19-11, observation, le temps qui passe, décalage horaire. Quand il est midi à Paris, il est 18h à Bombay et 6h à New York. Il y a 6 heures de décalage entre Paris et New York ? Oui, il y a 6 heures de différence.